بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد L'auteur dit, rahimahullah, باب الآنية La porte des ustensiles الآنية, c'est le pluriel de إناء آنيةٌ, c'est le pluriel de إناء Et الإناء, c'est l'ustensile Donc l'auteur, rahmatullahi alayh, il va évoquer dans cette porte-là, dans ce chapitre-là, des règles concernant les ustensiles. Quelle est la pertinence donc de ce chapitre, à cet endroit donc, de l'étude de tout ce que l'on appelle la purification? C'est que la purification, elle a besoin, donc à la base d'un liquide qui est l'eau. Et nous avons étudié les différents statuts de l'eau dans les cours précédents. Et l'eau étant un liquide, elle ne peut être stable que si elle est contenue dans un ustensile. Donc c'est pour cela que les fuqaha, les jurisconsultes, ont l'habitude, après avoir établi les règles des eaux, de parler des aniya, des ustensiles. L'auteur dit, rahmatullahi alayh, « La yajouzu isti'malu aniyati al-dhahab wal-fiddati fi taharatin wala ghayriha » Il est interdit d'utiliser des ustensiles d'or et d'argent dans la purification ou autre chose. Avant d'entrer donc dans cette règle-là qu'a donné Ibn Qudama rahmatullahi alayh, il faut savoir que la base donc dans les ustensiles en islam, c'est al-ibaha, la permission. C'est la permission. On avait vu que al-ahkam at-taklifiyah, donc les règles responsabilisantes la personne sont au nombre de 5. Il y a al-haram, l'interdit, il y a al-makruh, le détestable, il y a al-mubah, le permis, al-mustahab, le recommandé, et enfin al-wajib, l'obligatoire. Les ustensiles, donc à la base, ils sont mubah, donc ils sont permis en utilisation, car leur base c'est at-tahara, leur base c'est la pureté. Donc, lorsqu'on va étudier la porte des ustensiles, le chapitre concernant les ustensiles, la base ce sera toujours qu'il est permis d'utiliser tel ou tel ustensile. Et pour dire que tel ustensile est interdit à l'utilisation, il faudra apporter un délil. Il faudra apporter un délil. Ici l'auteur dit, rahmatullah alayh, il est interdit d'utiliser donc les ustensiles d'or et d'argent dans la purification ou dans toute autre chose, donc dans toute autre chose que la purification, li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, en raison de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, ne buvez pas dans les ustensiles d'or et d'argent, wa la ta'kulu fi sihafiha, et ne mangez pas donc dans les plats d'or et d'argent, fa innaha lahum fid dunya, car ils sont pour eux dans ce bas monde, c'est-à-dire pour les mécréants, walakum fil akhirah, et ils sont pour vous dans l'autre monde. Donc le cheikh dit la yajouz, hadha min siyar at-tahrim. La yajouz, c'est une expression qui montre l'interdiction, qui montre le tahrim, l'interdiction. La yajouz, il dit rahmatullah alayh. Il dit donc qu'il n'est pas permis d'utiliser la vaisselle d'or et d'argent dans la purification. Donc pour enlever son hadeth, le petit hadeth, donc pour faire les petites ablutions, il n'est pas permis donc d'utiliser un ustensile pour contenir l'eau des petites ablutions, et non plus il n'est pas permis d'utiliser un ustensile pour contenir l'eau que l'on veut utiliser pour faire les grandes ablutions, c'est-à-dire al-rusl. Il dit « wala ghayriha » et ni dans toute autre chose que la tahara. Il n'est pas permis d'utiliser de l'or ou de l'argent dans des plats, des ustensiles utilisés pour toute autre chose même que la tahara. Qu'est-ce que veut dire l'imam par cela? Il y a donc deux choses. Al-isti'mal, c'est l'utilisation. Et al-ittikhad, c'est s'approprier quelque chose pour le garder. Soit en décor, hein, ou le garder pour soi-même. Et ces deux choses-là sont interdites en raison du hadith qui a été cité hein, par le cheikh rahmatullah alayh, qui est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Et c'est le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qui rapporte le hadith là, qui est cité par l'imam Ibn Qudama. Et on a un autre hadith dans lequel Umm Salama radiyallahu anha dit qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Alladhi yashrabu fi aniyati al-fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam » Celui qui boit dans un ustensile d'argent, celui qui boit dans une vaisselle d'argent, en réalité, il envoie dans son ventre, il met dans son ventre du feu de la géhenne. Donc l'isti'mal, l'utilisation est interdite. Utiliser de la vaisselle d'or, utiliser des fourchettes en or, utiliser un stylo en or, utiliser des lunettes en or, ça on va le voir pour les hommes, utiliser des robinets en or, utiliser une poignée de porte en or, utiliser ces différentes choses faites à partir de l'or, ce qu'on appelle donc al-isti'mal, ça c'est interdit. De même mettre des dents en or, notamment pour les hommes, on va voir pour les femmes le détail. L'isti'mal donc est interdit. De même al-ittikhad. L'ittikhad c'est s'approprier. S'approprier donc des ustensiles en or, en argent, pour les mettre dans notre vitrine par exemple, simplement pour que ce soit du décor ou pour simplement les posséder. La possession de ces choses-là aussi est interdite. Donc concernant l'isti'mal, l'utilisation de la vaisselle en or et en argent, pourquoi est-ce qu'elle est interdite? On a le dalil qui est clair. Le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman qui dit « Ne buvez pas donc dans la vaisselle d'or et d'argent et ne mangez pas dans les plats. » Donc le prophète alayhi salatu wasalam a interdit la boisson et la nourriture qui sont donc des utilisations qui sont les plus proches ou bien les celles dont a le plus besoin l'être humain. Donc elles sont en intime relation avec le besoin, avec la darura de l'insan qui est de boire et de manger. Boire et manger, qui sont des choses dont a le plus besoin l'être humain, boire et manger dans des plats, des verres en or ou en argent, c'est interdit par la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui relève d'autres choses, qui est moins en lien avec le besoin humain, comme utiliser un stylo, mettre des dents en or ou autre, ceci de manière encore plus prioritaire, est interdit. Et cette règle-là, هذا الحكم عام للرجال والنساء. Cette règle-là, elle est générale pour les hommes et les femmes. Pour les hommes et les femmes. Donc l'utilisation de vaisselle, d'or ou d'argent ou d'objets faits en or ou bien en argent est aussi interdite par raisonnement, par qiyas sur le fait de manger et de boire. Vous vous souvenez, on avait parlé du qiyas dans l'introduction. Ici, on a le statut donc du fait de boire et de manger dans de la vaisselle en or et en argent. Quel est le hukm de ça? Quel est le statut de cette base-là? C'est haram. Donc on se rappelle, le hukm, le statut de boire et manger dans la vaisselle en or et en argent, c'est haram. Quel est le dalil? Le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman dans le Bukhari Muslim, que vous avez dans le texte ici à l'Umda, ou bien là aussi, on a le hadith de Umm Salama, dans le Bukhari Muslim, celui qui boit dans de la vaisselle en argent, en réalité, il envoie donc dans son ventre du feu de la géhenne. Donc le statut de base, boire ou manger dans de la vaisselle en or et en argent, c'est haram. Ça c'est hukmul asl. Ensuite, on cherche quoi nous? On cherche le fara, la ramification. On cherche le statut d'utiliser donc des objets en or et en argent dans autre chose que boire et manger. Quel est le statut de ça? Quel est le statut de cette chose-là? Il faut qu'on ait une illa. Il faut qu'on ait une cause pour pouvoir faire le qiyas, pour pouvoir raisonner. Quelle est la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de boire et de manger, dans la vaisselle d'or et d'argent, quelle est la illa? Les savants ont divergé. Certains ont dit, parce que c'est un signe d'orgueil, c'est par orgueil. D'autres ont dit, c'est parce que l'or et l'argent sont utilisés dans la monnaie. Comme vous savez, à l'époque du prophète, alayhi salatu wa sallam, le dinar était d'or et le dirham était d'argent. Et l'utilisation donc, de ces métaux dans la vaisselle va créer une diminution de l'or et l'argent hein, dans le marché. Et ce qui va amener une inflation de l'or et de l'argent. Donc pour cette raison, il a été interdit d'utiliser l'or et l'argent pour éviter l'augmentation du prix de l'or et de l'argent. Mais en réalité, wal-ilmu indallah, même si ces causes-là, hein, elles sont justifiées, c'est la cause qui a été citée dans le hadith, qui est la véritable illa, la véritable cause, c'est que l'or et l'argent est pour eux dans ce bas monde et il est pour nous dans l'autre monde. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari au Muslim, jannatani min fiddatin wa aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahab aniyatuhuma wa ma fihima. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que dans l'au-delà il y a donc deux paradis, deux jardins d'argent et dont les vaisselles sont d'argent ainsi que ce qu'il y a dans ces deux jardins-là. Et deux jardins d'or ainsi que les vaisselles de ces deux jardins sont en or. Et ce qu'il y a dans ces deux jardins-là sont en or. Donc ça prouve bien que ces vaisselles-là d'or et d'argent seront exclusives aux croyants dans l'au-delà, mais elles appartiennent aux mécréants, donc dans ce bas monde-là. Donc si jamais l'utilisation de la vaisselle d'or et d'argent est due au fait que ça leur appartient dans ce bas monde et pas dans l'autre, on comprend alors la cause qui permet d'interdire la robinetterie, alors, d'or et d'argent, les dents en or en argent, hein, le stylo en or en argent, etc. Car c'est la matière qui est pour eux dans ce bas monde et pour nous dans l'autre monde. Donc, qu'est-ce que l'on va tirer comme règle ici? C'est que cette règle, elle est générale pour les hommes et pour les femmes, comme on a dit. On va faire des exceptions que l'on va voir ensuite, bi-idhnillah. L'imam al-Bahouti, rahimahullah, il a dit dans Keshaf al-Qina', qui est un charh de l'Iqna', rahimahullah, il a dit dans un livre, وغير الأكل والشرب في معناهما لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب فلا يتقيد الحكم به. Ce qui est en dehors de la nourriture et de la boisson prend son sens. Ce qui est en dehors de la nourriture et de la boisson prend son sens, c'est-à-dire cette interdiction, car le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait cité ces deux notions-là, donc la nourriture et la boisson dans le hadith, c'est parce que de manière générale, les gens utilisent la vaisselle pour cela, utilisent ces deux matières-là pour ces choses-là. Il a dit, فَلَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ بِهِ. Donc le statut n'est pas exclusif dans le fait d'utiliser ces matières-là pour boire ou pour manger. Et certains savants ont rapporté l'ijma', donc le consensus, concernant l'interdiction d'utiliser l'or et l'argent de manière totale et absolue, sauf dans les exceptions que l'on va voir, inshallah. Et parmi ces savants-là, Al-Hafidh ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayhi, un grand savant du Madhhab Maliki, dans son livre Al-Tamhid, et aussi Al-Khatib al-Shibrini, rahmatullah alayhi, dans son livre Al-Mughni al-Muhtaj, et aussi Ibn Muflih, dans son livre Al-Mubdi'. Et donc, comme on a dit, la cause de l'interdiction de l'utilisation de l'or et de l'argent dans la boisson et la nourriture et dans le reste des utilisations, et même dans l'ittikhad, c'est-à-dire dans la simple possession, c'est parce que ce sont des matières qui sont pour eux dans ce bas monde et pour nous dans l'autre monde, sauf dans les exceptions que l'on va voir. Donc, si l'isti'mal, l'utilisation est interdite, l'utilisation, donc qui est en lien avec le besoin humain, est interdite, donc de manière plus prioritaire l'ittikhad, la simple possession qui n'est pas en lien avec le besoin humain. D'avoir de la vaisselle en or ou en argent pour la mettre dans une vitrine, simplement, ou même pour la garder et la revendre ensuite. Cette simple possession, wallahu a'lam, il y a divergence, mais l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est que c'est interdit. Donc ça, c'est concernant ce qui est fait d'or et d'argent de manière totale. D'or et d'argent de manière totale. Et rejoignent donc la vaisselle qui est faite totalement en or ou en argent, le stylo, etc., la dent, de même la robinetterie, les poignées de porte, etc. Toutes ces choses-là qui sont faites de manière totale d'or et d'argent, rejoignent ces choses-là, ce qui est enduit par l'or, ou bien l'argent, ce qu'on appelle al-mumawwah, comme a dit Abdurrahman ibn Qasim rahmatullah alayhi dans sa hashiya de Raud al-Murbi', il a dit at-tamwih an yudhab al-dhahab aw al-fiddah wa yulqa fihi al-ina' min nuhasin aw ghayri. Il a dit c'est le fait de faire fondre l'or ou bien l'argent et de jeter l'ustensile dedans et de le retirer. Donc un ustensile ou bien un produit, parce qu'on a dit que ce n'était pas restreint simplement à la vaisselle. Donc un produit qui n'est pas fait d'or, mais qui est jeté dans l'or et qui ensuite est retiré. Je ne sais pas si c'est le plaqué en français, le plaqué or. Est-ce que le plaqué or, ce n'est pas la feuille, comme on va voir. Ça, c'est al-matli en arabe. Donc al-mumawwa, c'est le fait de jeter un produit dans l'or et de le retirer. Ce produit-là aussi, donc il est interdit d'utilisation et de possession. Sauf, on va voir dans la bijouterie pour la femme ou autre, comme on va le voir ensuite. Et de même al-matli. Al-matli, c'est celui qui est recouvert d'une feuille d'or ou bien d'une feuille d'argent. Donc ces deux catégories-là rejoignent ce qui est fait d'or ou d'argent à la base. Donc toujours dans Hashiyat al-Rawd, il dit Abdurrahman ibn Qasim, il dit « Wal-matli ma yuj'alu kal-waraq wa yulsaqu bil-ina » C'est ce qui est donc fait sous forme de feuille et qui est ensuite collé à l'ustensile. Donc on a des exceptions par rapport à ça. On a des exceptions. Donc là, qu'est-ce qu'on a tiré de ce que l'on vient de dire? L'utilisation de la vaisselle d'or ou bien d'argent est interdite. Quel est le délil? Le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, que l'imam ibn Qudama a cité dans le texte Al-Umda, que je vous envoie traduit à chaque fois avant chaque dars. Aussi dans le hadith de Umm Salama, radiyallahu anha, elle cite que celui qui boit donc dans de la vaisselle d'argent, c'est comme s'il jetait dans son ventre du feu, de l'AGN. Donc le texte est clair sur l'interdiction de l'utilisation de l'or et de l'argent dans la boisson et la nourriture. Maintenant, quel est le statut de l'utilisation de l'or et de l'argent en dehors de la nourriture et la boisson? C'est l'interdiction aussi. Quel est le délil? C'est le qiyas. C'est le raisonnement analogique. Et aussi, donc c'est le raisonnement analogique, et aussi le fait que si jamais, donc la législation a interdit l'utilisation de l'or et de l'argent dans deux choses qui sont en lien avec le besoin humain, donc en l'occurrence ici la boisson et la nourriture, de manière encore plus prioritaire, l'utilisation de ces deux matières pour des choses qui ne sont pas en lien avec le besoin humain, comme la boisson et la nourriture, donc devient interdit de manière plus prioritaire. Donc on a des exceptions ici. Et donc ça c'est concernant l'utilisation et l'ittikhad, aussi la possession. Donc on a des exceptions. La première c'est mastu'mila lil haja, ce qui est utilisé par besoin. Ce qui est utilisé par besoin. Lorsqu'il y a fort besoin d'utilisation de l'argent ou bien de l'or, et c'est le savant qui évalue donc s'il y a réellement besoin, il est permis alors d'utiliser ces deux matières. On va donner des exemples. Et quel est le délil donc de cette exception-là? C'est le hadith de Arfaja ibn As'ad radiyallahu anhu. Donc qui était un compagnon qui dans la période pré-islamique, anti-islamique, donc a été touché au nez un jour qu'on appelle le jour de Kouleb. Donc lors d'une bataille, il a eu le nez coupé. Son nez a été coupé. Et il a mis un nez en argent. Il a mis un nez en argent afin que ne pourrisse pas donc la blessure et afin que il ne soit pas donc touché par les microbes, les bactéries, etc. Et ce nez-là a pourri ensuite. Et ensuite, il est rentré dans l'islam. Ça a eu lieu avant donc son entrée en islam. Et ensuite, il est rentré en islam et il est en compagnie du prophète alayhi salatu wa salam et ce nez a pourri et a produit de l'odeur nauséabonde qui le dérangeait. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc lui a permis de prendre un nez en or. Son compagnon, Arfaja, donc portait un nez en or. Je vous rapporte le hadith en arabe. Donc c'est le hadith de Arfaja ibn As'ad, radiyallahu an, annahu usiba anfuhu fil jahiliyati yawm al-kulab, fattakhadha anfan min wariq, al-wariq huwa al-fidda. فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب رواه أحمد وغيره. Donc le hadith est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, et l'imam Nawawi l'a authentifié. Donc ça c'est la première exception. Si jamais, par exemple aujourd'hui on utilise le nickel chrome de manière générale pour les couronnes. Si jamais il y a donc besoin, je dis bien, d'utiliser une dent en argent, c'est permis. S'il n'y a pas de matière donc à disposition permettant donc de combler ce besoin-là sans utiliser l'argent. Et si l'argent est utilisé et qu'il ne fait pas l'affaire, il est permis alors d'utiliser l'or si besoin est. Donc si jamais il y a un besoin, et les cas peuvent être divers, d'utiliser l'or ou bien l'argent, ce sera permis, je dis bien, par besoin. Donc pas par embellissement ou autre concernant l'homme et pas la femme, comme on va voir dans la deuxième exception. Deuxième exception, التحليل النساء بالإجماع. Donc la parure de la femme, le fait de porter des bijoux en or ou bien en argent, ça c'est permis selon le consensus des savants en islam. Et ceux qui sont allés à l'encontre de cette parole-là, ils ont transpercé l'ijmer et leur parole est réfutée. Donc l'utilisation de chaînes en or, de bagues en or, de boucles d'oreilles en or, ou bien en argent, de gourmettes, etc. C'est permis pour la femme et non pas pour l'homme. Donc les bijoux en or et en argent sont de manière totale permis pour la femme. Concernant l'homme, il est interdit d'utiliser des bijoux en or de manière totale et absolue. Concernant l'argent, c'est aussi interdit de manière totale, sauf la bague. Sauf la bague. Donc, dans Sahih al-Bukhari, rahimahullah, il est rapporté que le prophète, alayhi salatu wa salam, a pris une bague en argent, a mis une bague en argent, et les gens, à leur tour, ont pris donc des bagues en argent. Fi al-Bukhari, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa salam, ittakhadha khataman min fidda. فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَ الْفِضَّةِ. Donc le prophète alayhi salatu wasalam portait une bague en argent. En revanche, donc les gourmettes en argent, les chaînes en argent, etc. pour les hommes, هَذَكَ ذَلِكَ مُحَرَّمُ. Ça aussi c'est interdit et ce n'est pas permis. Pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est une utilisation de l'argent. Et l'utilisation est interdite sauf exception. Et l'exception est venue donc pour la bague. L'exception est venue pour la bague. Donc, les gourmettes, etc., au poignet, au cou, c'est interdit. Première raison, en raison de l'interdiction générale de l'utilisation de l'argent. Deuxième raison, car ça entre dans le takhannus. Ça entre dans la féminisation interdite. Hein? Ça entre dans la féminisation interdite. At-takhannus. Et il est interdit pour l'homme de ressembler à la femme. Il est interdit pour l'homme de ressembler à la femme et à la femme aussi de ressembler à l'homme. Le prophète alayhi salatu wa salam a même mis cela dans les kaba'ir. Il a dit la'ana Allahu al-mutarajjilati min an-nisa wal-mutakhannithina min ar-rijal. Qu'Allah maudisse donc les efféminés parmi les hommes et les femmes qui ressemblent aux hommes. Et la ressemblance se fait soit par la tenue vestimentaire lorsque la femme donc porte des choses qui sont de l'ordre du masculin de manière restreinte. Comme le port du pantalon, par exemple. Le port du pantalon, sans avoir quelque chose, une abeille à-dessus, le simple port du pantalon entre dans at-tarajjul, dans le fait de ressembler aux hommes. Ou bien le fait de se couper les cheveux courts. Hein, ça entre aussi dans le fait de ressembler aux hommes. Et il y a aussi la ressemblance, par exemple, par la voix. Ressembler aux hommes dans la manière de parler, ça aussi, ça entre dans le at-tarajjul. Et aussi dans le fait de faire des gestuels, des démarches d'hommes. Une gestuelle d'homme, une démarche d'homme, etc. Et il y a donc la ressemblance aux hommes dans le gestuel, dans la tenue vestimentaire, etc. Et de même, la ressemblance de l'homme à la femme est interdite et entre dans les kaba'ir. Et la ressemblance de l'homme à la femme se fait aussi par une voix efféminée, par une démarche de femme, par une tenue vestimentaire qui est restreinte aux femmes, etc. Donc l'utilisation, ça c'était concernant l'utilisation de l'argent pour les hommes, car il y a une certaine largesse chez certains qui utilisent des gourmettes, des colliers, etc. en argent, pensant que l'interdiction se fait seulement pour l'or. Même si certains savants ont dit que le fait de porter comme ça un bijou, par exemple, en argent, en dehors de la bague, si jamais dans le urf, dans ce qui est reconnu comme tel, dans la tradition des gens, ce n'est pas reconnu comme étant une forme de port féminin, port P-O-R-T, de porter, une forme de port de bijou féminin, ça n'entre pas dans l'interdiction. Wallahu a'lam, le plus sûr, c'est de rester à la base qui est l'interdiction totale. Wallahu a'lam. Une autre exception, donc dans l'utilisation de l'argent, c'est ad-dabbatul yasiratu min al-fidda. C'est le rafistolage Et on va expliquer ce que c'est. Donc c'est l'utilisation d'une petite quantité d'argent pour rafistoler quelque chose lorsqu'il y a un besoin. Donc c'est pour ça qu'on arrive à, donc à la parole d'Ibn Qudama rahimahullah lorsqu'il a dit wa hukmul mudabbabi bihima hukmuhuma. Wa hukmul mudabbabi bihima hukmuhuma. Qu'est-ce que al-mudabbab? Donc dans l'époque, à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, ils avaient des plats, donc comme vous savez, en terre cuite, hein, de manière générale. Lorsque le plat se cassait, hein, ils utilisaient donc parfois de l'argent pour pouvoir rafistoler leurs ustensiles. Et al-mudabbab, donc rafistoler un ustensile avec de l'argent ou bien de l'or, c'est interdit aussi à la base. Car c'est une utilisation de l'argent et de l'or qui est interdite, car la base dans l'utilisation de ces deux matières, c'est l'interdiction. Mais il y a exception, comme a dit donc Ibn Qudama, « Illa an takuna dabbatu yasiratan min al-fidda » Sauf si « adabba » donc le rafistolage, la matière utilisée pour rafistoler, « an takuna dabbatu yasiratan » elle est petite, en petite quantité, wa min al-fidda, et en argent. Si jamais l'utilisation donc de cette matière, ça peut être pour un ustensile ou pour autre chose, à cette époque, il peut y avoir utilisation de l'argent pour pouvoir réparer quelque chose, parce qu'il n'y a que cela de présent à ce moment-là. Fa'ala kulli hal, c'était quelque chose qui était utilisé dans les premiers siècles, mais aujourd'hui, on a d'autres matières qui nous permettent de ne plus utiliser l'argent pour ce besoin-là. Donc, quel est le dalil? Quel est le dalil concernant cette exception-là? C'est le hadith de Anas. An Anas radiyallahu an, anna qadaha al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam in kasara, fattakhadha makana al-Sha'bi silsilatan min fidda, rawahu al-Bukhari. Donc, Anas radiyallahu an, il dit que un qadah, qui est donc un ustensile, un verre du prophète alayhi salatu wa salam, s'est cassé. Donc un ustensile du prophète alayhi salatu wa salam s'est cassé, et le prophète alayhi salatu wa salam donc a mis donc à l'endroit donc où ça s'est fêlé, où ça a cassé, il a mis un morceau d'argent. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et certains savants disent que c'est Anas qui a fait cela. Il y a divergence, parce qu'en arabe le hadith ne fattakhada. On ne sait pas est-ce que c'est le prophète alayhi salatu wasalam ou bien Anas radiyallahu anhu, mais dans tous les cas, c'était l'ustensile du prophète alayhi salatu wasalam. Et le prophète alayhi salatu wasalam a utilisé donc ce plat, cet ustensile, pardon, donc un verre dans lequel il buvait. Il l'a utilisé alors qu'il y avait un morceau d'argent. Donc, est-ce que c'est permis de manière totale et absolue? Est-ce que c'est permis de manière totale? C'est-à-dire, si je peux rafistoler par autre chose que l'argent, est-ce que je peux utiliser l'argent même si j'ai autre chose? Certains savants disent que oui. Car dans le hadith, il n'est pas cité que le prophète alayhi salatu wa salam avait rien d'autre. Mais Allahu a'lam, le plus sûr, c'est de choisir l'avis des savants qui disent que ce n'est pas permis. D'utiliser l'argent si jamais on a autre chose pour pouvoir rafistoler. Donc il faut qu'il y ait besoin. Wallahu a'lam. Il faut qu'il y ait donc un besoin vraiment d'utiliser l'argent. Certains disent que al-haja en arabe, al-haja, le simple fait que l'ustensile soit cassé, il y a besoin. Donc même s'il y a une autre matière, il y a haja, il y a besoin, car l'ustensile est cassé. Et si on dit que l'ustensile est cassé et qu'on n'a que de l'argent, ici c'est le mot darura qui doit être utilisé. Là il y a nécessité absolue, car je ne peux pas utiliser autre chose que l'argent. Et je ne vais pas jeter le plat, c'est du gaspillage, ou bien le verre, donc je le rafistole par l'argent. Donc il faut qu'il y ait haja, wallahu a'lam, ou bien darura. Dans tous les cas, si jamais j'ai autre chose que de l'argent, j'utilise autre chose que de l'argent. Donc les conditions pour pouvoir rafistoler par l'argent, première chose, donc c'est utiliser une petite quantité d'argent. Donc je ne peux pas rafistoler la moitié du plat, c'est deux tiers, il faut que ce soit une petite quantité. Par quoi est-ce qu'on détermine la petite quantité? Le petit, hein, le critère différenciateur entre le petit et le beaucoup, c'est el-urf. On avait déjà vu ça pour le sang. Lorsque quelqu'un voit ce plat, il dit que c'est une petite quantité qui a été utilisée. Donc, si à vue d'œil, on voit que c'est une petite quantité qui est utilisée, c'est permis. Si c'est une grande quantité, ce n'est pas permis. Il faut que ce soit une petite quantité. Ensuite, il faut que ce soit de l'argent. L'or n'est pas permis ici. Il n'est pas permis d'utiliser l'or pour rafistoler. Et il faut qu'il y ait besoin. On a dit que le besoin se traduisait par le fait qu'on n'a pas d'autres matières utilisables pour pouvoir rafistoler ce plat. D'autres savants ont rajouté une quatrième condition. Quatrième condition que certains savants ont mis, c'est de ne pas toucher avec sa bouche l'argent lorsqu'on utilise cet ustensile-là. D'autres savants disent que non. Une fois qu'on a mis tout le plat, maintenant l'ustensile est permis d'utilisation. Allah a'alam, à prendre quand même en considération de ne pas, inshallah, mettre sa bouche sur l'endroit où il y a l'argent. Mais bon, c'est un cas que les fuqaha présentaient dans les textes anciens, parce que c'était très, très présent, mais aujourd'hui quasiment on n'a pas ce problème qui se présente. Mais on l'étudie quand même pour tirer les règles qui sont liées à cette situation. Ensuite, l'imam Ibn Qudama rahmatullahi alayhi dit « وَيَجُوزُ إِسْتِعْمَالُ سَائِرِ الْآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ وَاتِّخَذُهَا » Et il est permis d'utiliser le reste des ustensiles purs « وَاتِّخَذُهَا » et de les posséder. « وَيَجُوزُ » c'est le contraire de ce qu'on avait vu tout à l'heure, « لَيَجُوزُ » « وَيَجُوزُ » ça veut dire qu'il est permis. Et il est permis d'utiliser le reste donc des ustensiles at-tahira qui sont purs, wattikhadhuha, et de les posséder. Quel est le dalil qui peut répondre? Quel est le dalil concernant ça? Dans l'introduction, j'ai donné la réponse à ça. Par rapport à la base aux ustensiles. On peut utiliser les ustensiles. Voilà, le dalil c'est al-asl, c'est la base. C'est que la base dans les ustensiles, c'est qu'ils sont permis. Du moment qu'ils sont purs, ils sont permis dans l'utilisation et dans la possession. Donc ici, il n'y a pas de délit en réalité à porter, car c'est la base. Et la preuve est venue donc écarter les deux exceptions qui sont l'or et l'argent. Donc il dit وَيَجُوزُ إِسْتِعْمَالُ سَائِرِ le reste, tout le reste سَائِرِ الْآنِيَةِ الطَّاهِرَة. Mais donc il faut qu'elle soit pure. Il faut que les ustensiles soient purs. Donc l'ustensile impur, est-ce qu'il est permis de l'utiliser? Celui qui est impur, dont la matière est impure. Non, ce n'est pas permis. وَاتِّخَذُهَا, et de même le posséder, c'est interdit. Et la preuve donc qu'il est permis d'utiliser et de posséder le reste des vaisselles, ustensiles purs, c'est la base. Donc, entre là-dedans, les vaisselles qui sont en pierres précieuses, en émeraude, en diamant, en rubis, etc., est-ce qu'il est permis ou non de les posséder et de les utiliser? Il y a divergence. Et la divergence va avoir lieu sur la illa, sur la cause d'interdiction de l'or et de l'argent. Donc on revient aux causes qu'on avait citées auparavant. Même si ça ne nous intéresse pas trop, mais c'est pour un peu entraîner notre tête un peu parfois la divergence, à comprendre pourquoi est-ce que les savants divergent. On avait dit que, certains savants ont dit que l'utilisation de l'or et de l'argent est interdite dans la vaisselle, car ça va créer une inflation de l'or et de l'argent, donc dans le marché, car ils sont utilisés dans la création de pièces. Le dirham, c'est l'argent, le dinar, c'est l'or. Donc si jamais cette cause est prise en compte, est-ce que le rubis, l'émeraude, le diamant, etc. sont utilisés en tant que monnaie et sont présents en tant que monnaie d'échange dans les marchés? Non. Non. Donc, les savants qui ont pris cette cause-là, qui est donc que l'argent et l'or sont utilisés dans la monnaie, c'est-à-dire pour faire les pièces, ils ne disent pas que la vaisselle, donc en pierre précieuse, est interdite. Car il ne peut pas y avoir qiyas. D'autres savants disent que la vaisselle d'or et d'argent est interdite car c'est un signe d'orgueil. Et ça va à l'encontre de la ubudiyya, de la véritable servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'émeraude, le rubis, etc., de manière encore plus prioritaire, ça entre dans cet orgueil-là et ce manque de servitude. Donc ils interdisent de ce point de vue-là. D'autres disent que la vaisselle d'or et d'argent, elle est interdite car cette utilisation, l'utilisation de ces deux matières pour de la vaisselle, ça casse le cœur des pauvres. Et donc l'utilisation de la vaisselle en pierre précieuse, de manière encore plus prioritaire, casse le cœur des pauvres. D'autres savants répondent et disent non, que les pierres précieuses, elles ne sont pas connues par la plupart des gens. Un pauvre ne voit pas une assiette, est-ce qu'elle est en diamant, en argent, cristal, il différencie pas toutes ces matières-là. Alors que l'or et l'argent, c'est bien connu. L'or, c'est très jaune. Et quelqu'un qui voit un verre en or le reconnaît tout de suite. Mais un verre en émeraude, rubis ou autre, ça ne casse pas le cœur des pauvres. Donc même de ce point de vue-là, les savants ne sont pas en accord pour dire que la vaisselle en pierre précieuse est interdite. Mais nous, on en arrive à notre conclusion. C'est que en dehors de l'or et l'argent, toute vaisselle est permise en possession et en utilisation, inshallah. Bien sûr, si ça ne se fait pas, c'est permis. Après que la personne fasse ça par orgueil, ça c'est autre chose. C'est-à-dire le défaut se trouve dans l'orgueil, et lui est pris à défaut par rapport à cela, il a des péchés par rapport à cela, et il risque d'être châtié par rapport à son orgueil, mais l'utilisation en elle-même n'est pas interdite, wallahu a'lam. Le cheikh dit ensuite, rahmatullah alayhi, wasti'malu awani ahli al-kitabi wa thiyabihim ma lam tu'lam najasatuha. Et il est permis d'utiliser donc la vaisselle, les ustensiles des gens du livre et leurs vêtements tant qu'on n'en connaît pas l'impureté. Qui sont les gens du livre? Ahlul Kitab. C'est Al-Yahoud qui ont reçu Al-Tawrah et Al-Nasara qui ont reçu Al-Injil. Ce sont ces deux catégories et il n'y en a aucune autre. Les Juifs et les Chrétiens. Ce sont ces deux catégories qu'on appelle Ahlul Kitab. Même avec leur déviation qu'ils ont connue ensuite. Même si ensuite ils ont la croyance en la Trinité, avec laquelle n'est pas venu Isa alayhi salam, même les Juifs qui ont dit Uzair ibnullah, croyance, avec laquelle n'est pas venu Moussa alayhi salam, ils gardent, wallahu a'lam, ils gardent leur statut de Ahl al-Kitab. Donc Ahl al-Kitab, ce sont les gens qui ont reçu l'évangile, les chrétiens, et ceux qui ont reçu la Torah, les Juifs. Donc quel est le statut de leur vaisselle, de leurs ustensiles? Ahl al-Kitab. C'est At-Tahara. C'est la pureté. La base, c'est la pureté. Donc leur vaisselle, verre, plat, casserole, etc. Des gens du livre, je dis bien. Aujourd'hui en France, le français lambda moyen n'est pas quelqu'un du livre. N'est pas une personne de Ahl al-Kitab. Aujourd'hui, la laïcité a pris le dessus en France. Donc la base dans le citoyen français, c'est Al-Almaniyah. C'est que c'est un laïc. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, et les compagnons ont bu, donc de l'eau qui était dans les ustensiles d'une mushrika, d'une associatrice, qui n'était pas donc une femme des gens du livre. Le hadith est muttafaqun alayh, rapporté par al-Bukhari et Muslim. On a aussi d'autres preuves prouvant que les gens du livre, la base donc dans leurs ustensiles, c'est la pureté. D'abord, par rapport à ce hadith, le prophète, alayhi salatu wa salam, a bu de l'eau avec ses compagnons, qui étaient donc dans les ustensiles d'une femme qui était une associatrice, une mushrika. Donc, ce qui veut dire que le plat, donc l'ustensile utilisé pour contenir cette eau, était tahir. Sinon, le prophète, alayhi salatu wa salam, n'aurait pas bu. Ça, c'est concernant une associatrice. Donc, les gens de Ahl al-Kitab, de manière encore plus prioritaire, ont leurs ustensiles purs. Aussi dans le hadith de Jabir, un Jabir radiyallahu anhu, قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Jabir radiyallahu anhu dit, nous étions en expédition donc en rasoir, en expédition avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc en guerre contre les mouchriquines, et donc nous obtenions de la vaisselle des associateurs. Donc dans le butin, ils gagnaient de la vaisselle, et aussi des ustensiles, al-asqiya, des ustensiles qu'ils utilisent pour verser, donc leur boisson. Il dit, on utilisait donc ces ustensiles-là, cette vaisselle-là, فَلَا يَعِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, ne faisait pas de reproches aux compagnons concernant cette utilisation. Le hadith est rapporté par Ahmed Abu Daoud et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'a authentifié. Donc ça, c'est concernant les mushrikines. Donc de manière encore plus prioritaire, les gens du livre ont leur vaisselle qui est pure. À la base, je dis bien. Selon Anas, radiyallahu anhu, عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Selon Anas رضي الله عنه, un juif a invité le prophète عليه الصلاة والسلام donc à manger du pain de شعير d'orge إلى خبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة هو الشحم مع الزيت. Al-ihala, al-shahmu ma'az-zayt. C'est de la graisse mélangée avec de l'huile. Sanikha mutaghayyiru ar-rih, dont l'odeur a changé. Fa'ajabahu, le prophète, alayhi salatu wa salam, a répondu, comment tire-t-on de cela que les ustensiles utilisés donc par les gens du livre, car là c'est un juif. Donc là on est vraiment dans un hadith concernant les gens du livre. Comment tire-t-on de ce hadith-là que leurs ustensiles sont purs? C'est le fait que le prophète, alayhi salatu wa salam, ait mangé dans ce plat-là. Et de ce plat ne peut être donc impur. Donc la base dans les plats des gens du livre, c'est la pureté. Cependant, si jamais on sait que ces gens-là utilisent ces plats pour manger dedans du porc et leur verre pour boire du vin, il y a plusieurs cas. Si on est sûr que le plat est sale, c'est-à-dire est impur, on est sûr que l'assiette encore des traces de porc, ou bien que le verre, il n'y a pas eu lavage après utilisation du vin, on est obligé ici, de laver cette vaisselle-là, ces ustensiles-là. D'accord? Si jamais on sait que ces gens-là utilisent cette vaisselle-là pour boire du vin dedans. C'est-à-dire, ce sont des gens qui boivent du vin. Et dans ces plats-là, ils mangent aussi du porc. Mais on n'est pas sûr que le plat, il est impur. C'est-à-dire, ils l'ont peut-être lavé entre-temps. Ou peut-être qu'ils n'en ont pas bu du vin dans ce verre-là. Ils ont peut-être bu de l'eau, du jus d'orange, une autre boisson. Mais il se peut qu'il l'ait utilisé, car ce sont des gens qui boivent le vin. C'est dans leur mœurs. Et de même, ils mangent le porc. Là, à ce moment-là, il est makruh d'utiliser leur vaisselle sans la laver. Il est makruh d'utiliser leur vaisselle sans la laver. Donc il faut, si jamais on est sûr qu'ils utilisent du vin et qu'ils ont bu du vin dans ce verre-là, ou bien ils ont mangé du porc dans ce plat-là, on est sûr que le plat ou bien le verre est impur, on est obligé de le laver. Et ça, c'est le cas même pour le plat d'un musulman ou le plat d'un mouchérik. Un plat qui est impur, tu es obligé de le laver. Si jamais on sait qu'ils ont l'habitude d'utiliser donc les impuretés, ils boivent et mangent ces impuretés qui sont le porc et le vin dans leur plat. Mais là, on n'est pas sûr qu'il y a utilisation. Là, il est makruh d'utiliser sans lavage. Et si on trouve d'autres plats, il est préférable d'utiliser ces plats-là et de délaisser ces plats. Mais si jamais on veut les utiliser, Il faut les laver et ensuite boire ou manger dedans de manière recommandée. On n'est pas obligé de laver. Donc j'ai dit, il est makruh d'utiliser sans lavage cette vaisselle-là. Donc c'est mustahab de laver et ce n'est pas obligatoire. Quel est le dalil de cela? C'est le hadith de Abi Tha'lab al-Khushani, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a dit, radiyallahu anhu? Qal, qultu ya Rasulallah. J'ai dit, ô messager d'Allah, inna bi ardi qawmin ahli kitab, nous sommes dans la terre de gens du livre. Afana akulu fi aniyatihim, est-ce que l'on peut manger dans leurs ustensiles? Qala la ta'kulu fiha. Il a dit, ne mangez pas dans leur vaisselle, leurs ustensiles, illa alla tajidu ghayraha, sauf si vous ne trouvez pas d'autres vaisselles. Farsiluha, lavez-la alors, wa kulu fiha, et mangez dedans, muttafaqun alayh. Ce hadith-là, en apparence, la règle, elle est générale pour tous les gens du livre. En apparence, le prophète, alayhi salam, il a interdit l'utilisation de la vaisselle des gens du livre, si on s'en tient à ce hadith. Mais on a une version de Abu Daoud qui vient préciser le cas de ces gens-là. Et dans la version de Abu Daoud, il est précisé, donc, qu'est-ce qu'a dit Abu Tha'lab al-Khushani? Il a dit, inna nujawiru ahl al-kitab. Nous sommes voisins des gens du livre. Nous sommes donc, nous vivons avec les gens du livre. وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرِ Et ils cuisinent donc. Dans les qudur, ce sont les, leurs chaudrons, leurs cocottes, hein, comme si on peut dire avec l'expression moderne. Ils le cuisinent du porc, donc du cochon, dans leurs chaudrons. وَيَشْرَبُونَ فِي أَنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ Et ils boivent, donc dans leurs ustensiles, du vin. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا Si vous trouvez autre chose, donc mangez dans ces autres plats. وَشَرَبُوا et buvez. وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا Et si vous ne trouvez pas autre chose que cela, il a dit فَرْحَدُوهَا بِالْمَا Donc lavez-les par l'eau. وَكُلُوا وَشَرَبُوا Puis mangez et buvez donc de ces plats. Le hadith, donc il est rapporté par Abu Daoud et Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a authentifié. Donc ici il est bien précisé que c'était des gens du livre qui buvaient du vin dans leurs plats et mangeaient aussi du porc. Donc si on est sûr que le plat est impur, il faut laver. Et si on sait qu'ils boivent du vin et mangent du porc habituellement, mais on n'est pas sûr que ce plat-là qu'on a devant les yeux, hein, il y a eu du porc qui a été mangé dedans et qu'il n'y a pas eu lavage après, c'est makruh de l'utiliser. C'est makruh de l'utiliser et c'est recommandé de le laver, mais pas obligatoire. Parce que al-asl, là-bas, c'est la tahara. Et ce simple doute, ou ce simple wahm, même peut-être une pensée minoritaire, selon laquelle il y a eu utilisation de vin ou de porc dans cet ustensile, ne rend pas obligatoire le lavage. Wallahu a'lam. وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِ أَهْلِ الْكِتَابِ Donc le Cheikh a dit, rahimahullah, وَثِيَابِهِمْ Ainsi que leurs vêtements. Ainsi que leurs vêtements. Donc quel est le statut des vêtements des gens du livre? Quel est le statut des vêtements des gens du livre? Donc les vêtements des gens du livre, d'abord elles sont de deux catégories. Il y a les vêtements neufs, c'est-à-dire ceux qu'ils produisent et qui nous arrivent dans les mains en état neuf, et il y a ceux qui ont été utilisés donc par les gens du livre. Et de même pour les ustensiles auparavant, on n'a pas donné ce détail-là, mais les ustensiles donc qui sont fabriqués par des mécréants, gens du livre ou bien associateurs, et les gens du livre sont des associateurs, mais c'est quand on réunit les gens du livre et les associateurs dans un même discours qu'on les différencie. Les associateurs sont les adorateurs de statues, ceux qui ne suivent pas un livre, les majous, les adorateurs du feu, etc. Et Ahlul Kitab sont ceux, les chrétiens et les juifs. Les chrétiens et les juifs. Mais ce sont aussi des mouchriks. Et tous sont des kuffars, tous sont des mécréants. Donc la vaisselle provenant des mécréants, qu'ils soient gens du livre ou bien associateurs, si elle est neuve, non utilisée, elle est tahira. Tant que la matière utilisée est tahira, tant que la matière est pure, ces matières-là, ces ustensiles-là, ces vaisselles-là sont pures. Et quant à celles qui sont utilisées, on vous a donné le détail. Maintenant, concernant les vêtements qui nous arrivent, donc de mécréants et qui sont neufs, ceux qu'on achète là en supermarché aujourd'hui, en hypermarché, est-ce qu'il faut les laver avant de les utiliser? Non, s'ils sont purs, s'ils sont faits d'une matière pure, non, ils sont neufs, on ne les lave pas bien sûr. Ils sont purs, car là-bas c'est la pureté. Maintenant, ceux qui sont utilisés. Bon, il y a quand même une divergence à ce niveau-là. Certains disent que les vêtements utilisés de manière totale sont purs. D'autres disent que de manière totale, ils sont impurs, car le mécréant lui-même est une impureté. Mais en réalité, le mécréant est pur. Le mécréant, vivant et mort, est pur comme on va le voir. Cependant, il y a une différenciation à faire importante que certains savants ont fait. Ce sont les vêtements qui sont en contact avec la awra, les parties intimes, et les vêtements qui ne sont pas en contact avec la awra. Donc concernant les vêtements en contact avec la awra, donc les sous-vêtements, ils sont impurs et c'est la base. Car on sait très bien que ce sont des gens qui ne prennent pas de précautions par rapport au lavage, hein, au lavage notamment des parties de devant, et surtout l'urine. Hein, si on ne fait pas l'istinja, on ne fait pas sinon l'istijmar, comme on le verra inshallah dans une prochaine porte, il y a obligatoirement quelques gouttes qui tombent dans leurs sous-vêtements. Et ça c'est certain, on le sait très bien, on vit parmi eux, qu'après avoir uriné, ils remettent leurs sous-vêtements tout de suite. Donc leurs sous-vêtements sont impurs, pour les hommes comme pour les femmes. Donc, et c'est la base. Donc il faut obligatoirement laver ce type de sous-vêtements, hein, si jamais une personne les possède. Et ça c'est des choses qui nous paraissent, nous, bizarres d'évoquer cela, mais une personne peut arriver à un niveau de pauvreté où elle aura besoin de ce type de vêtements, Et aussi dans les batailles, les musulmans peuvent arriver dans ce type de contexte où ils doivent récupérer le vêtement, par exemple d'un cadavre mécréant ou autre. Et il va falloir utiliser à ce moment-là peut-être ces vêtements. Et on n'a parfois pas assez d'eau. Ainsi, la bataille a lieu dans un lieu comme le désert ou dans les montagnes où il n'y a pas des robinets ou des bouteilles d'eau minérale comme c'est le cas pour nous dans notre quotidien. Il faut bien réfléchir avant d'utiliser de l'eau pour du lavage, surtout l'eau potable. Donc ce sont des cas qui peuvent se présenter, même si aujourd'hui ça nous paraît bizarre entre guillemets. Donc leurs vêtements qui sont en contact avec la aura, les parties intimes, la base c'est que ils sont impurs. Quant à ceux qui ne sont pas en contact avec la aura, chaussettes, casquettes, t-shirt, etc. Sauf si le t-shirt est vraiment long et qu'on pense fortement que le bas risque d'aller et d'être mis au niveau de la ceinture, au niveau des parties intimes, là, il prend le statut des sous-vêtements. Les t-shirts, de manière générale, etc. Le pantalon, ces choses-là, elles sont pures, elles gardent leur pureté, qui est le statut de base, tant qu'il n'y a pas une preuve permettant de statuer de l'impureté. Wallahu a'lam. Donc le cheikh a bien dit ma lam tu'lam najasatuha, tant qu'on n'en connaît pas l'impureté. Donc si les ustensiles ou bien les vêtements des gens du livre ou bien des associateurs ou bien même du musulman, si jamais on sait qu'ils sont impurs, il est alors obligatoire donc de les laver pour les purifier. L'imam Ibn Qudama rahimahullah dit ensuite wasuful maytati wa sha'ruha tahir. Et la laine de la bête morte ainsi que ses poils sont purs. Qu'est-ce qu'on veut dire par bête morte? La bête morte, c'est celle qui est morte et qui n'a pas été égorgée, un égorgement législatif. C'est la bête qui est morte sans être égorgée, un égorgement législatif. Elle s'est étouffée, elle a été frappée par un véhicule ou bien assommée, etc. Donc ça, on appelle ça une meïta. On appelle ça une meïta. L'imam Ibn Qudama, rahimahullah, dit wasouful meïta. La laine de la bête morte. La laine de la bête morte. La laine du mouton. La laine de la chèvre. La laine d'une bête qui est morte sans avoir été égorgée. Wa sha'ruha. Et ses poils. Tahir sont purs. Les poils d'une meïta. Les poils, on va voir de toute bête, les poils du cheval, les poils du chameau, ces poils-là. Quel est le statut des poils de ces bêtes-là qui sont meïta, donc mortes sans avoir été égorgées? Un égorgement législatif, le statut, c'est que leur laine, elle est pure. Et leurs poils sont purs. Mais qu'est-ce qu'on entend par meïta ici? Mais ça va en diverger ici. Certains disent que les poils et la laine de toute bête morte est pure. Même le chat, même le lion, même le tigre. Donc même ce qui n'était pas permis d'être mangé lorsqu'il était vivant. Car le prophète alayhi salatu wa salam a interdit donc toute bête portant des crocs ou bien des cerfs, des griffes. Donc les rapaces sont interdits à la nourriture. Et de même les fauves. Les fauves possédant des crocs, d'où l'interdiction de l'éléphant, l'interdiction du lion, l'interdiction du tigre. Donc ces bêtes qu'on ne peut pas manger du vivant, si elles meurent, est-ce que les poils ou bien la laine de ces bêtes-là est permise d'utilisation? Allah a'alam, on prend l'avis selon laquelle elles sont impures. Il n'est pas permis de les utiliser. Wal ilmu indallah, c'est le plus sûr. Et c'est le plus sûr. Il n'est pas permis d'utiliser leurs poils et leur laine. En revanche, donc, la laine du mouton. Un mouton qui est mort étouffé. Un mouton qui est mort étouffé. Est-ce que sa laine, je peux tondre, donc sa peau et récupérer la laine? Oui. Non. Et ça, c'est important parce que la laine aujourd'hui utilisée dans les vêtements que l'on porte, ce ne sont pas souvent de la laine, pour ne pas dire quasiment de manière totale, ce n'est pas de la laine qui a été prise d'une peau d'un mouton qui a été égorgé au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un pull en laine de chèvre, ou en poil de chèvre, ou en laine de mouton, etc. Est-ce que je peux le mettre ou pas? Est-ce qu'il est pur ou impur? Et ça va donc ensuite avoir un impact sur ma prière, parce qu'on va voir parmi les conditions de la prière, c'est d'avoir un vêtement pur. Donc si on dit qu'il y a impureté, on ne peut pas alors prier avec un vêtement en laine de chèvre, en laine de mouton. Mais, comme a dit le shir, وَصُوفُ الْمَيْتَتِ وَشَعْرُهَا طَهِرُ. Les poils et la laine de ces bêtes-là, même si elles n'ont pas été égorgées au nom d'Allah, elles sont mortes comme ça, étouffées, électrocutées ou autres, il y a pureté de la laine, inshallah, et des poils de ces bêtes dont la nourriture était permise de leur vivant. Dont la nourriture était permise de leur vivant. Wallahu a'lam. Et quel est le dalil de cela? C'est le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nahl. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi leur أَصْوَافِهَا, leur laine, وَأَوْبَارِهَا, leur poil, وَأَشْعَارِهَا, c'est leur poil aussi. الأشعار c'est pour le maïs, وَاللَّهُ أَعْلَمْ. Et l'aubar, c'est pour les chameaux. Athatha. Il y a un profit. Hein, il y a un profit. Donc, ces matières-là, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a un intérêt, un profit à tirer de ces matières-là. Et il n'a pas dit différencier la bête morte de la bête vivante. Donc, le verset englobe la bête morte et la bête vivante. Et dans les bêtes, la base, hein, c'est la pureté. La base, c'est la pureté. La base dans les bêtes, c'est la pureté. Et il faut un dalil pour dire que telle bête, tel animal est impur. Donc on a comme bête impure de manière claire le cochon, le porc. Hein, il est impur ainsi que ses poils. Donc les poils de porc, hein, qu'ils soient vivants ou morts, ils sont impurs. De même le chien. On avait vu ça dans la première porte concernant les règles de l'eau. Notamment quand on a vu le statut de l'ustensile dans lequel a bu le chien, on a vu que le chien, selon l'avis qu'on avait adopté, Allah a'lam, qu'il est de manière totale impur. Non pas seulement sa salive, comme on dit certains ou autres, mais qu'il est totalement impur. Donc ses poils sont impurs. Donc des poils de chien, même s'ils sont tondus de son vivant, ils sont impurs. Ils sont impurs. En revanche, on a d'autres bêtes qui sont interdites à la nourriture, mais qu'on ne peut pas manger, comme les fauves. Ils sont interdites à la nourriture, mais qui sont pures, pardon. Le lion, par exemple. Il y a divergence là-dessus. Mais Allah alam, le lion est pur, le tigre est pur, la panthère est pure, le chat est pur. Car on n'a pas de preuves prouvant qu'ils sont impurs. En revanche, l'interdiction de les manger revient au hadith qui interdit de manger toute bête ayant des crocs. Donc l'interdiction de manger et le statut de pureté ou impureté, ce sont deux portes différentes. Il y a des choses qui sont interdites à la nourriture, mais qui sont pures. Donc, on arrive à un point que j'ai tout à l'heure cité, c'est les poils et la peau, les poils, pardon, et la laine de ces bêtes qu'on ne peut pas manger de leur vivant. Si elles meurent, on ne peut pas les égorger. Quand elles meurent, elles sont tout le temps meïta. Même si je dis Bismillah Allah Akbar, j'égorge un tigre, c'est une meïta. Parce que je ne peux pas le manger à la base. Donc le critère différenciateur entre la meïta, la bête morte qui est celle qui est morte et qui n'a pas été égorgée selon la législation, ce critère différenciateur entre cette bête-là et la bête qui n'est pas une maïta, comme le mouton sur lequel on a dit Bismillah Allahu Akbar, on a dit Bismillah, on l'a égorgé, ce n'est pas une maïta. Ce critère différenciateur-là, qui est l'égorgement législatif, il n'existe pas dans le lion, dans le chat, dans le tigre, la panthère. Donc lorsqu'ils meurent, est-ce qu'on peut utiliser leur poil ou leur laine? Non. Selon l'avis de beaucoup de savants, et c'est l'avis que l'on choisit, c'est le plus sûr. C'est le plus sûr. Et on va voir concernant la peau des fauves, quelque chose d'autre. Biiznillah, dans le point qui arrive, là on était dans le détail concernant simplement la laine et les poils. Donc qu'est-ce qu'a dit l'imam Ibn Qudam ensuite? Il a dit Wa kullu jildi maytatin dubira aw lam yudbar fa huwa najis. Et toute peau, donc de maïta, qu'est-ce que la bête morte? Donc, qu'est-ce que la bête morte? Est-ce qu'un mouton que j'égorge, mon mouton d'Al-Aïd, c'est une maïta? Quand je l'égorge, je dis bismillah. Non, ce n'est pas une maïta. Donc, c'est une bête qui est morte et qui n'a pas été égorgée ou bien tuée, parce que le chameau, par exemple, on n'égorge pas, on fait nahr, qui n'a pas été tué, comme le préconise la législation. Il dit donc, toute peau, là maintenant on va parler des peaux, toute peau de bête morte, tannée ou bien non tannée, et najis, est impure. Ça, c'est l'avis de l'école Hanbalite. On va passer assez rapidement. Wallahu a'lam, c'est un avis qui est faible. Ils se sont basés sur le hadith de Abdullah ibn Ukaym. Rahimahullah, qala, كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفع بإهاب ولا عصب والإهاب هو الجلد قبل الدبغ والعصب وأطناب المفاصل التي تشدها. عبد الله بن عكيم رحمه الله جدي رحمه الله جدي رضي الله عنه parce que ce n'est pas un compagnon comme on va le voir. C'est pour ça que le hadith a été affaibli par beaucoup de savants. Il a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a écrit avant sa mort, un mois avant sa mort. Il nous a écrit un mois avant sa mort et nous a dit, ne tirez pas profit de tout ihab, et l'ihab c'est la peau avant qu'elle soit tannée. Wala asab, et ni de ligaments. Donc n'utilisez pas la peau et les ligaments. Et ça il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam un mois avant sa mort. Et ça c'est le hadith qui a été utilisé par les Hanabila, par beaucoup de Hanabila pour dire que la peau, donc d'une bête morte, tannée ou non, parce que le détail du tannage n'est pas apporté ici, dans le hadith, tannée ou non, est impure. Donc selon cet avis, il est interdit de porter là, tout ce que l'on voit aujourd'hui dans le marché. Veste en cuir de mouton, de vache, de veau, de... Toutes ces choses-là sont négissa, et si tu pries avec, ta prière est annulée. Non, l'avis authentique, Inch'Allah, c'est que le tannage purifie la peau de la bête morte. Purifie la peau de la bête morte qui était pure de son vivant. Donc, tanner la peau du chien ne purifie pas la peau du chien. Tanner la peau de porc ne purifie pas la peau de porc. Même si certains savants ont dit ça. Le tannage purifie de manière totale et absolue. Allah a'lam, non. Ce qui était impur du vivant ne peut être purifié par le tannage. Donc, sur quoi est-ce que l'on s'appuie? Donc, d'abord, l'avis qui a été cité là par l'imam rahimahullah, Allah alam, il est faible. Pourquoi? Parce que d'abord Abdullah ibn Ukaym, ce n'est pas un compagnon comme on citait beaucoup de savants. Donc ça va être un hadith mursal. Il n'a pas atteint le prophète alayhi salatu wassalam. Donc le hadith a été affaibli par beaucoup de savants. Et en plus, même si le hadith on dit qu'il est authentique, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? La tantafi'u bi ihab. Ne tirez pas profit d'un ihab. Et l'ihab c'est la peau avant le tannage. Avant le tannage. Donc le hadith en réalité est hors débat. Donc les preuves sur lesquelles on s'appuie pour dire que la peau d'une bête morte lorsqu'elle est tannée, elle est pure. Elle est purifiée. Quelles sont les preuves de cela? An ibn Abbas radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala idha dubira al-ihabu faqad tahur. Idha dubira al-ihabu faqad tahur. Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la peau est tannée, elle est purifiée. Le hadith est rapporté par Muslim. Donc là, le hadith est authentique et il est clair par rapport à ce point-là. Wal ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala, tusaddiq ala mawlatin li maymunah bi shatin famatat. Tusaddiq ala mawlatin li maymunatin على مولاة لميمونة رضي الله عنها بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. متفق عليه. ابن عباس رضي الله عنهما دي On a donné en aumône donc à une servante de ميمونة رضي الله عنها donc un mouton, un agneau qui est mort. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il est passé devant le cadavre de cet agneau-là. Et il a dit, Hella akhattum ihabaha. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris sa peau? Fadabartumu, et vous l'auriez alors tanné. Fantafa'tum bih, et vous en auriez tiré un profit. Faqalu inna hamayta, ils ont dit, c'est une bête morte. Faqala inna ma haruma akluha. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est le fait de le manger qui a été interdit. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, la peau tanné d'animaux que l'on pouvait manger du vivant et qui est mort, donc et qui est mort sans égorgement législatif ou plutôt sans abattage législatif, car il y a l'égorgement et aussi le nahr, devient pur après tannage. Mais l'animal qui était pur du vivant, l'animal qui était pur de son vivant et qui est mort, le lion, le tigre, etc. Est-ce qu'on peut se servir de ces peaux-là? Non. Car le hadith est venu spécifier ce point-là. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit dans le hadith, عن أبي المليح ابن أسامة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. Donc, أبي المليح Ibn Usama rapporte selon son père que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit les peaux de fauve. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, le Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a authentifié. Donc l'utilisation des peaux de fauve est interdite. Pure ou impure, ça c'est un autre point. Mais puisque l'utilisation des peaux est interdite, donc qu'il y ait pureté ou impureté, il n'est pas permis de les utiliser. وكذلك عظامها et de même pour les os. Donc les os de la bête morte, ils sont impurs selon l'imam Ibn Qudama dans ce texte-là. Il y a divergence sur ce point-là. Wallahu a'lam. Et la divergence prend naissance sur quoi? Pourquoi est-ce que la laine et les poils de la bête morte sont purs? Pourquoi est-ce qu'ils sont purs? Une des causes, bon, à part le délil dans Surat An-Nahl, qu'on a cité, mais c'est que, il n'y a pas de vie nerveuse dans ces parties-là, dans ces matières-là. Il n'y a pas de vie nerveuse. Ce qu'on appelle en arabe hayatu ruh. On appelle ça en arabe hayatu numu. C'est une vie de croissance, simplement. Les poils, ils grandissent. Les poils poussent, de même les ongles. Mais lorsqu'on les coupe, lorsqu'on coupe un ongle, il n'y a pas douleur. Lorsqu'on coupe, de même les cheveux, il n'y a pas douleur. Et l'os, il y a divergence là-dessus. Est-ce que c'est une vie de croissance ou bien une vie nerveuse? Donc le cheikh ici dit que l'os, il est aussi impur. Il est impur. Et l'os, effectivement, quand il est cassé, il y a douleur. Allah a'lam. Donc nous on va garder cet avis là, Allahu a'lam, même si des savants disent que l'os il est pur et qu'il n'entre pas donc dans l'impureté de la maïta, mais nous on va garder cet avis là selon lequel l'os est impur, Allahu a'lam. Donc un mouton qui est mort étouffé par exemple, est-ce que sa peau est impure? Si, sa peau est impure. C'est après sa peau. Après tannage, elle est pure. Est-ce que sa laine est impure? Non, le mouton lorsqu'il est mort. La laine, non. Les poils et la laine, qui est égorgement ou pas, ils sont purs. C'est clair? Les poils et la laine, ils sont purs. Qu'il y ait égorgement ou pas. La peau, elle est impure. Après tannage, elle devient pure. Les os, ils sont impurs. On suit l'avis de l'imam Ibn Qudama. Rahimallahu wallahu a'lam. C'est compris, Inch'Allah. Hein, ce sont des portes qui sont assez imbriquées. Il ne faut pas confondre, Inch'Allah, les différents points. Wallahu a'lam. Ensuite, il dit, وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٍ. Et toute maïta, donc toute maïta, toute bête morte, est impure. Donc ça, c'est la règle. Toute bête morte est impure. Quelle qu'elle soit, de manière totale et absolue. Ensuite, il dit, إِلَّا الْآدَمِي. Sauf l'être humain. Illa al-adami. Quel est le dalil de ça? Les savants s'appuient d'abord sur le verset d'Allah, wa laqad karramna bani Adam. Et nous avons certes honoré le fils d'Adam. Surat al-Isra, verset 70. Et parmi, donc, l'élévation, l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain, c'est le fait qu'il soit pur, vivant comme mort. Wa fi sahihayni, qala alayhi salatu wa salam, inna al-mu'mina, la yanjus. Et dans le Bukhari wa Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant ne devient pas impur. le croyant est pur. Donc ça c'est les hadiths concernant le croyant. Pour l'instant simplement on va voir le mécréant. Wa qala ibn Abbas radiyallahu anhuma al-muslimu la yanjusu hayyan wa la mayta wa hadha al-qawl fi al-Bukhari. Abdullah ibn Abbas a dit. Donc ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui a dit le musulman ne devient pas impur vivant comme mort. Et cette parole-là est dans Sahih al-Bukhari. Donc ça, ce sont des paroles concernant le musulman. Qu'en est-il du mécréant? Est-ce que le mécréant, il est impur? Et il y a divergence là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ. Les associateurs sont une impureté. Certains savants disent que le mécréant est impur de son vivant comme mort. Wallahu a'lam. La majorité aujourd'hui disent que cette najasa, c'est une najasa ma'nawiya et pas hissiya. C'est une impureté notionnelle en lien avec le shirk et ce qu'il a comme acte et croyance. Ce n'est pas une impureté matérielle. Et la preuve de cela, c'est que le prophète alayhi salatu wa salam a mangé, comme on l'a vu avec un juif qui est un mécréant. Il a mangé avec lui et leur nourriture est touchée par leurs mains lorsqu'il la cuisine. Et il ne nous a pas été ordonné de laver ce qui provient de choses qui ont été touchées par leurs mains. Et de même, il est permis aux musulmans de se marier avec les femmes de Ahl al-Kitab, juives ou chrétiennes, et obligatoirement, le mari va être en contact avec sa femme. Et il n'a pas été dit de se laver après le contact à la chrétienne ou à la juive. Allah a'lam, la ville plus authentique, bien majoritaire chez les savants, c'est que le mécréant n'est pas impur, vivant comme mort. Vivant comme mort. Wa kullu maytatin najisa, on revient là. Parole de Ibn Qudama rahimahullah, toute bête morte est impure sauf al-adami, l'être humain, wa hayawan al-ma alladhi la ya'ishu illa fi, et l'animal aquatique qui ne vit que dans l'eau. Et l'animal aquatique qui ne vit que dans l'eau, li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi al-bahr, en raison de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant la mer, huwa at-tahuru ma'uhu, son eau est tahour. Donc je n'explique plus ce que veut dire tahour, c'est compris. Al-hillu maytatu, sa bête morte est illicite. Al-hillu maytatu, sa bête morte est illicite. Donc ce qui vit seulement dans la mer, les poissons, avec toutes les espèces qui existent, la pieuvre, ce qui vit simplement dans la mer de manière totale et absolue et ne sort jamais de l'eau. Et s'il est sorti de l'eau, meurt. Ces choses-là, elles sont licites. Elles sont licites. Il y a divergence sur le requin parce qu'il est prédateur et a des dents qui ressemblent au croc. Non, il est licite. Wallahu a'lam. C'est l'avis le plus authentique. Donc, tous les poissons sont licites et tout ce qui vit seulement dans la mer. Ce qui sort maintenant de la mer, comme le phoque, comme l'otarie, comme la tortue, comme le crocodile, etc. Il y a une forte divergence chez les savants à ce niveau-là. Wallahu a'lam, l'avis de beaucoup de Hanabila et des Malikites, ils se rapprochent à ce niveau-là. C'est que ces bêtes-là qui sortent donc de la mer, wallahu a'lam, c'est que elles sont najissa lorsqu'elles meurent. Lorsqu'elles meurent, elles sont najissa. Et on le verra dans Bab al-At'ima. Donc, pour les manger, il faut les égorger. On ne peut pas manger le phoque comme ça. Le sortir de l'eau, l'assommer, ou bien le laisser s'étouffer, l'asphyxier, et le manger ensuite. Non, il faut l'égorger. De même la tortue, il faut l'égorger. De même la loutre, de même l'otarie. Ces bêtes-là, si jamais on les trouve mortes, parfois c'est rejeté par la mer, on peut trouver ça sur la berge. Si on en trouve un mort comme ça et que son odeur n'a pas encore changé, est-ce qu'on peut le manger? Non, on ne peut pas le manger. Si on trouve un poisson qui a été rejeté et dont l'odeur n'a pas changé, il n'y a pas de risque donc de microbes ou autre, on peut le manger comme ça. Ça arrive. Donc ça, c'est ce qui a surtout un coût et qui doit être égorgé. En revanche, le crabe par exemple, l'écrevisse, etc., non, parce qu'on ne peut pas l'égorger. Donc si on trouve un crabe mort sur un rocher ou sur le sable et que son odeur n'a pas changé, notamment c'est un critère important pour éviter les maladies, la darar wa la dirar, il faut pas se faire de mal et faire de mal à autrui, donc on peut le manger. parce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Même s'il ne vit pas, le crabe ne vit pas totalement dans. Non, même s'il ne vit pas totalement dans la mer, l'inverse. Même s'il ne vit pas totalement dans la mer. Donc il a bien dit wa hayawan al-ma'i, et les bêtes aquatiques, alladhi la ya'ishu illa fi. Le crocodile, lui, il a aussi un autre statut, c'est parce que il rentre dans le hadith des animaux qui ont des crocs. Donc lui, même s'il est pêché dans la mer, il faut, on ne peut pas le manger. Hein, on ne peut pas le manger. Et là, on n'est pas dans la porte de Al-At'ima, on n'est pas dans la nourriture là. Là, on est dans At-Tahara. On est dans At-Tahara. La pureté et l'impureté. Donc moi, je ne veux pas faire pénétrer une porte dans une autre. Est-ce qu'on peut manger la grenouille? Est-ce qu'on peut manger ceci, etc. Parce que ça, c'est une autre porte. C'est la porte de la nourriture et Allah nous permettra, Inch'Allah, d'y arriver. وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَ. Et ce qui n'a pas de circulation sanguine. Ce qui n'a pas de circulation sanguine. Donc ces choses-là sont pures. Comme l'abeille, la guêpe, les insectes, qui lorsqu'on les écrase, ils n'ont pas de sang, ils n'ont pas de circulation sanguine. Ça ne veut pas dire que même quand, lorsqu'on les écrase, ils laissent un petit peu de, ils laissent de la matière. Non. Ce n'est pas ce que l'on vise à travers la circulation sanguine. La circulation sanguine, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas de sang qui court lorsqu'on le tue. De même la mouche, de même le moustique, etc. Tout, de même les asticots, les vers de terre, toutes ces choses-là, elles sont pures. Elles sont pures car elles n'ont pas de circulation sanguine. Donc ce qui n'a pas de circulation sanguine, comme l'escargot aussi, c'est pur. On ne parle pas de halal haram manger là. On n'est pas dans la porte de la nourriture. Il faut bien comprendre et différencier les deux portes. Donc ces choses-là sont pures. Ces choses-là sont pures. إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّدًا مِنَ النَّجَسَاتِ. S'il ne provient pas de najasa, s'il n'est pas né d'une najasa. Comme certains asticots, comme certains qui peuvent naître des excréments, prendre naissance dedans. Ou certains insectes, ils peuvent naître de choses qui sont impures. Il a rapporté que la viande de porc a un asticot microscopique et que donc cet asticot-là, même s'il est retiré du porc et qu'il est lavé, il reste impur car il est né de quelque chose d'impur qui est la viande de porc ici. Mais certains savants disent qu'il n'y a pas de choses qui naissent d'autres matières comme des asticots, etc. Ça n'existe pas. Certains savants aujourd'hui disent que la science montre que ça n'existe pas et qu'en réalité l'asticot ou autre il naît d'autre chose, que ça n'a pas de, il ne découle pas de cette matière là. Wallahu a'lam. Nous on reste sur l'expression de Cheikh. Wallahu a'lam, ça demande des recherches. Si jamais cette chose là a pris naissance d'une matière impure, elle est impure, et si elle a pris naissance donc d'une matière pure, elle est pure. Wallahu a'lam. Quel est le délil donc que ces bestioles là, ces bêtes là qui n'ont pas de circulation sanguine tant que si elles meurent, donc si elles meurent, elles sont pures. Quelle est la preuve de cela? C'est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu qui est rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il la noie, c'est-à-dire qu'il l'immerge complètement, et qu'ensuite il la jette, car il y a dans l'une de ses ailes, il y a dans l'une de ses ailes la guérison, et dans l'autre il y a la maladie. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Qu'est-ce que l'on tire de ce hadith-là? C'est que la mouche, lorsqu'elle va être noyée, lorsqu'elle va être noyée dans le verre, par exemple, lorsqu'une mouche tombe dans un verre d'eau, qu'est-ce que l'on doit faire? Prendre tout le verre et le jeter? Non, le hadith nous dit qu'il faut noyer la mouche et ensuite prendre cette mouche-là et la jeter. Si jamais cette mouche-là, lorsqu'elle va être noyée, elle va mourir. Elle va mourir. Donc, est-ce qu'elle va devenir impure? Non. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, n'aurait pas dit de mélanger une impureté à l'eau. Et l'impureté, lorsqu'elle est mélangée à l'eau, elle se mélange très très vite. Elle se propage et se dissout très rapidement. Donc ça prouve que la mouche, en réalité, elle est pure, même lorsque elle meurt. Donc, tout ce qui n'a pas de circulation sanguine et qui a le même statut, la même caractéristique, ne devient pas impur simplement par la mort. Et ce hadith-là, il nous appelle au teslim, mes chers frères et sœurs. Il est important de se soumettre au hadith lorsqu'il vient de la bouche du ma'soum, du protégé, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Ça, ce sont des hadiths dont certains mécréants rigolent et mettent en dérision les musulmans et se moquent de notre sharia et de notre religion en disant que lorsqu'une mouche tombe dans votre récipient, il vous est ordonné de la noyer. Nous disons, na'am, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, le meilleur des prophètes, est celui derrière lequel, si vous ne venez pas, yawm al-qiyama, vous irez brûler éternellement, a ordonné cela. Nous en sommes fiers. Et nous suivons le prophète alayhi salatu wa sallam, même dans ce qui va à l'encontre de notre parfois logique, raison, ou bien du bien-être qui est répandu dans la société. Donc il est répugnant, na'am, pour les mécréants, d'immerger une mouche dans un récipient, mais nous le faisons, par suivi du prophète alayhi salatu wa sallam, par amour du prophète alayhi salatu wa sallam, et avant cela par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par soumission au créateur qui connaît as-sirra wa akhfa, qui connaît le secret et ce qui est encore plus subtil que le secret. Il connaît tout, c'est lui Ar-Rabb, le Seigneur, Al-Ilah, c'est notre divinité subhanahu, et nous devons obéir à tout ce qu'il nous a ordonné et délaisser tout ce qui nous a interdit, que nous en comprenions la sagesse ou pas. Et aujourd'hui, il y a en plus des recherches scientifiques qui ont montré la réalité de selon laquelle il y a une aile qui comporte la maladie et une autre aile qui comporte le remède. Wallahu ta'ala a'lam. Donc nous avons terminé la porte de l'aniya. Simplement un point, pourquoi est-ce que, comme vous pouvez le voir, on a abordé beaucoup de points qui ne sont pas en lien direct avec les ustensiles. Donc, étudier les ustensiles, ça c'est quelque chose qu'on a expliqué. Pourquoi étudier les ustensiles ici? C'est parce que pour pouvoir garder l'eau, il faut un ustensile. Mais pourquoi a-t-on parlé de peau, de poils, etc.? C'est parce que beaucoup d'ustensiles étaient faits de ces matières-là dans les premiers siècles. Donc c'est pour cette raison-là que les savants développent ces points qui ne paraissent pas tout de suite en lien avec les ustensiles, mais qui le sont en vérité, parce que dans les époques antérieures, on utilisait les pots, etc., pour pouvoir contenir l'eau. Wallah alam, ça existe toujours dans les pays, au Maghreb, en Afrique, dans d'autres pays, il y a toujours certaines personnes qui utilisent les pots pour pouvoir porter leur liquide ou autre. والله تعالى أعلم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.